Il paraît indubitable que la peinture fut portée dans ce XVIe siècle à une perfection que les Grecs ne connurent jamais, puisque non seulement ils n'avaient pas cette variété de couleurs que les Italiens employèrent, mais qu'ils ignoraient l'art de la perspective et du clair-obscur. La sculpture, art plus facile et plus borné, fut celui où les Grecs excellèrent, et la gloire des Italiens est d'avoir approché de leur modèle. Ils les ont surpassés dans l'architecture, et de l'aveu de toutes les nations, rien n'a jamais été comparable au temple principal de la Rome moderne, la basilique Saint-Pierre de Rome, le monument le plus beau, le plus vaste, le plus hardi qui jamais ait été dans l'univers. Les guerres de religion étalaient ailleurs des ruines, mais à Rome et dans plusieurs autres villes italiennes, l'architecture était signalée par des prodiges. 10 papes de suite contribuèrent, presque sans aucune interruption, à l'achèvement de cette basilique de Saint-Pierre et encouragèrent les autres arts. On ne voyait rien de semblable dans le reste de l'Europe. Enfin, la gloire du génie appartint alors à la seule Italie, ainsi qu'elle avait été le partage de la Grèce.